Jack l'Éventreur. Donc on va commencer par son histoire. Donc Jack l'Éventreur est une personne qui a vécu au 19e siècle, mais qui a commis des meurtres en 1888 à Whitechapel, qui est un quartier de Londres. Donc il existe un certain nombre de meurtres commis à cette année-là, mais selon les experts, il n'y en a que 5 qui seront à l'origine du vrai Jack l'Éventreur, puisque certaines personnes ont imité ces meurtres. Alors ce dernier, en plus, aurait tué ses victimes de manière assez crescendo, en étant de beaucoup beaucoup plus violent à chaque victime. La première a été tuée, voilà, c'est déjà grave, mais a été juste tuée comme ça. La seconde fut plus violentée dans les marques qui restaient. Il y en a une d'entre elles qui a eu la chance de ne pas être, enfin entre guillemets, de pas être terminée, puisque des personnes sont arrivées à l'endroit du meurtre. Du coup, il a dû partir avant de terminer son travail. Mais la même nuit, il a tué une autre femme à qui il a enlevé un rein. Il a tué également une cinquième personne à qui cette fois il a enlevé le cœur. Donc il était également, selon les sources, à l'origine de 3 lettres connues dans lesquelles il racontait les meurtres qui viendraient, mais la vérité a éclaté plus tard en disant que ça venait d'un journal. Tout simplement parce qu'à un moment, quand le journal a dit il y aura 2 meurtres cette nuit-là, certes il y a eu 2 meurtres cette nuit-là, mais le journal a sorti les infos après le meurtre. Ensuite, voilà, ils ont aussi dit qu'une personne allait avoir l'oreille tranchée. Et à un moment, lors de ces meurtres, Jack a tailladé l'oreille d'une de ses victimes, mais l'oreille n'a pas été totalement tranchée. Mais après, le journaliste a avoué faire ça pour gonfler les recettes de son journal. Donc même encore aujourd'hui, même s'il n'y a pas si longtemps, on disait oui, le tueur c'était Aaron Kominski qui était un barbier polonais, parce qu'on avait retrouvé son écharpe à côté d'un cadavre, machin. Du coup on s'est dit c'est lui, et en fait on a prouvé quelques mois, enfin il y a quelques mois, que en fait non, Aaron Kominski n'est pas Jack l'Éventreur. Donc encore aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est le meurtrier. D'où la légende de Jack l'Éventreur, puisque les meurtres ont bel et bien existé, mais on ne sait toujours pas qui est le commanditaire du meurtre. Ensuite, on va se demander pourquoi Jack l'Éventreur. Donc Jack est construit de manière très simple. D'abord, Jack n'est pas un nom choisi au pif parce qu'il vient du nom du tueur Jack Talwarsaur. Donc il y a un tueur qui bondissait pour tuer ses victimes et faisait de même pour s'échapper. Ça devait être, entre guillemets, ça devait être assez comique à voir pour un tueur psychopathe, quoi. Et puis l'éventreur parce que c'était sa mise à mort. Ensuite, au lieu avant de passer aux versions dans la culture, je voulais juste émettre ma théorie sur pourquoi il tuait des femmes prostituées. Parce que beaucoup émettent l'hypothèse qu'il aurait eu une mère prostituée, machin, que je trouve pas du tout crédible. Que moi j'ai inventé, que je trouve beaucoup plus crédible que cette théorie-là. Faut savoir, à Whitechapel, il y a une époque où il y a eu un énorme flux migratoire arrivant dans Whitechapel. Et du coup, c'était un quartier très très pauvre, et les femmes là-bas, pour réussir à gagner leur vie, beaucoup s'en remettaient à la prostitution, et du coup, elles devenaient des cibles très faciles pour un tueur psychopathe. Du fait que si Jack demandait un rendez-vous à une femme pour avoir une relation sexuelle avec, celle-ci pouvait pas dire non, puisque grâce à cette relation, elle allait gagner de l'argent et donc gagner sa vie. Donc je pense que c'était un stratagème mis en place par Jack l'Éventreur de s'en prendre aux prostituées, parce que c'était des cibles faciles, vu qu'en prenant rendez-vous, elle était obligée de dire oui, et une fois qu'ils étaient ensemble, il avait plus qu'à la tuer. Et voilà, donc. Je trouve que cette théorie est beaucoup plus crédible sur la pourquoi il tuait des prostituées. Donc pour en venir aux versions de la culture pop, on retrouve d'abord dans l'univers Marvel le père de Sky dans Les Agents du Shield, ou Daisy Johnson pour ceux qui lisent aussi des comics, parce que voilà, dans les comics c'est Daisy Johnson, dans la série au début elle s'appelle Sky avant de prendre son vrai nom. Mais voilà, c'est un personnage qui est devenu même directrice du Shield pendant une période dans les comics. Dans les séries, je suis arrêté à la saison 1, donc je sais pas trop. Mais elle est la fille de Mr. Hyde, qui est un super vilain de l'univers. Pourquoi j'ai mis ça là? Alors non, oubliez tout de suite, ceci, enfin, gardez la référence, ou qu'elle n'est pas pour Jack l'Éventreur, elle est pour Mr. Hyde. En fait, c'est pas rangé au bon endroit, mais c'est pas très grave. Dites-vous juste que c'est Mr. Hyde qui devrait être responsable de cette référence. Donc pour revenir à Jack l'Éventreur, il apparaît souvent, apparemment dans les livres avec Sherlock Holmes. Je pense, du fait qu'on n'a jamais découvert qui était le meurtrier et tout ça, je pense qu'il y a un certain fantasme, surtout chez les écrivains qui écrivent des romans policiers, de vouloir trouver le tueur. Donc, on retrouve son inspiration dans la saison 5 de Primeval, dans un épisode où, en fait, il retourne dans le passé parce qu'un vélociraptor s'est retrouvé coincé au 19e siècle. Et en fait, le vélociraptor tue plein de gens. Et on l'a resurnommé du fait que le vélociraptor bondit pour tuer ses ennemis, on l'a resurnommé Jack Talon Harsor. Donc c'est pas vraiment Jack l'Éventreur, mais on a son inspiration qui se retrouve lui-même dans des séries télé. Et dans The Alienist, où on a un super casting avec Dakota Fanning, Luke Evans et Daniel Brühl, on retrouve un peu l'histoire de, je trouve, dans un certain sens, de Jack l'Éventreur, mais d'une autre manière. Parce qu'on se retrouve à New York, je crois, enfin en tout cas on est aux États-Unis, pareil, dans à peu près au 19e siècle, avec des meurtres de prostituées, sauf que là ce sont des petits garçons prostitués, enfin de jeunes garçons prostitués. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants aux États-Unis, ça a toujours été plus ou moins des victimes de prostitution, notamment à la Maison Blanche. Mais là, dans la série, on a une personne qui tue des jeunes garçons prostitués. Ce qui fait que j'ai trouvé ça assez proche de Jack l'Éventreur, parce que le tueur est très malin, il est très dur à débusquer, et on a la même chose avec Jack l'Éventreur, sauf qu'il n'a jamais été débusqué, et puis qui tuait des femmes prostituées. Dans la version de mes romans, je me suis inspiré de celui qu'on a estimé être le vrai tueur pendant une longue période, donc Aaron Kominski, le juif polonais, tout simplement parce que je suis moi-même d'origine polonaise, donc j'avais envie de mettre cette personne en avant, même si elle a été accusée à tort bien après sa mort. Donc dans mes romans, ce dernier est à Whitechapel en même temps que Florian Temple, donc le héros de mes romans est Maria Stralck, qui est sa copine du moment. Enfin, du moment, ça fait presque 1000 ans à ce moment-là qu'ils sont en couple. Donc Florian, lui, va se lier d'amitié avec le jeune Polonais et va lui apprendre à devenir un tueur. Sauf que ce dernier va rentrer dans le jeu de l'hybride et il va finir par être transformé en vampire. Et Aaron va se mettre à faire ses propres victimes à sa manière cette fois. Et le problème, c'est que c'est tellement sur une courte échelle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça une fois par mois, une fois tous les 2 mois, il laisse ses cadavres à chaque fois en ayant très peu de temps. Et du coup, on commence à beaucoup parler d'un certain Jack l'Éventreur. Et du coup, peu de temps après sa cinquième victime, Florian va traîner dans les bars et va retrouver une vieille connaissance qui est une sorcière du nom d'Emilia Rolf, qui est une sorcière ultra puissante. Qui est une sorcière également célibataire, donc Florian va la présenter à Aaron. Mais quand il va rentrer chez lui, il va retrouver Jack l'Éventreur et Maria Stralck en pleine relation ensemble. Donc Florian va tuer Jack l'Éventreur, il va demander à Emilia de lancer un sort perpétuel pour bloquer Jack l'Éventreur, pas Jack l'Éventreur, mais Maria Stralck dans la maison. Et ensuite il va tuer Emilia parce que les sorts perpétuels dans mes romans, seul le lanceur peut briser le sort. Donc en tuant la sorcière, plus personne ne peut venir libérer Maria de sa prison magique. Et ensuite, Florian va hypnotiser un certain nombre de personnes dans Londres afin que on sache pas que Aaron Kominski a été le tueur de Jack l'Éventreur. Et ce qui va alimenter la légende du personnage pendant des années, jusqu'à notre époque où Jack l'Éventreur a été ramené à la vie et qui revendique ses vieux crimes et son désir de vengeance envers son ancien meilleur ami.